fermier et l'usurier. Il y avait une fois un fermier qui était très malheureux parce que l'usurier de son village lui prenait tous ses sous. Que les moissons soient bonnes ou mauvaises, le fermier était toujours pauvre et l'usurier toujours riche. Un jour que le fermier n'avait plus un sou à donner à l'usurier, il alla le trouver et lui dit « Tu ne peux pas obtenir de l'eau d'une pierre, même si tu la presses fort entre tes deux mains. Eh bien, maintenant, tu ne peux plus obtenir un seul sou de moi, parce que je n'ai plus rien à te donner. Mais peut-être tu peux me dire le secret de comment tu es devenu riche. » « Mon ami, répliqua l'usurier, très sérieusement, oui, bien sûr je le peux. Les richesses, c'est Ram qui les donne. Va trouver Ram. » « Oh oui, dit le fermier, merci, je vais aller le trouver. » Il rentra chez lui. Il fit cuire 3 galettes pour tenir tout le long de son voyage. Il se mit en route. Il rencontra d'abord un brahmane. Et voyant que le brahmane avait l'air d'avoir faim, il lui donna la première galette en lui demandant quel était le chemin qu'il devait prendre pour rencontrer Ram. Mais le brahmane prit la galette, lui tourna le dos, se mit en route dans la direction opposée, mais ne lui répondit rien. Le fermier continua son chemin et il rencontra un yogi qui était en train de prier et de demander l'aumône. Alors le fermier, qui avait bon cœur, lui donna la deuxième galette. Mais le yogi ne lui dit rien et ne le renseigna pas du tout sur quelle route prendre pour aller trouver Ram. Le fermier se mit en route, un peu plus triste, mais il continua son chemin bravement. Et il arriva devant un pauvre homme qui était assis sous un arbre. Le regardant, le fermier se dit que ce pauvre homme devait avoir faim. Alors il lui donna la troisième galette. Et puis il s'assit à côté de lui, car il était fatigué. Et là, ils commencèrent à se parler. Tout d'un coup, le pauvre homme lui dit « Mais où vas-tu comme ça, fermier ?» Et le fermier lui répondit « Oh, j'entreprends un long voyage, car je suis à la recherche de Ram. Mais sans doute tu ne sais pas quelle route je dois prendre. » « Peut-être que je le sais, répondit le pauvre homme, car Ram, c'est moi. Que puis-je faire pour toi ?» Alors le fermier lui raconta toute l'histoire, et Ram eut pitié de lui. Alors il lui donna un grand coquillage, et il lui fit voir comment souffler dans ce coquillage. Et il lui dit, « Chaque fois que tu souffleras dans ce coquillage, tu obtiendras ce que tu voudras. » Mais c'est seulement dans cette manière de souffler que les choses marcheront. Maintenant, je vais te dire, fais attention à cet usurier, car aucune magie n'est assez forte pour le battre. Donc sois prudent. Le fermier retourna dans son village, tout content. Et comme il avait l'air tout content et qu'il avait de quoi manger, eh bien, évidemment, il traversait le village assez fièrement. Et l'usurier s'aperçut de ce changement. Alors il se dit, ce fermier est assez stupide, assez naïf, mais il a dû rencontrer sa chance. Il faut que je sache ce qui lui est arrivé pour qu'il ait l'air aussi fier maintenant. Il alla trouver le fermier chez lui et il le félicita sur la bonne chance qu'il avait rencontrée. Et il lui dit tellement de gentilles paroles que le fermier bientôt lui raconta ce qui lui est arrivé et comment il avait trouvé Ram. Sauf que le fermier, malgré qu'il fût naïf et un peu simple, ne lui dit pas comment il fallait souffler dans le coquillage. L'usurier réfléchit et se dit qu'il fallait qu'il obtienne ce coquillage. Et donc il s'arrangea, un jour que le fermier n'était pas chez lui, pour voler le coquillage. Et il souffla dans le coquillage. Il souffla encore et encore, presque à se faire éclater, sans trouver le secret du coquillage. Alors il retourna chez le fermier et lui dit, « Tu vois, C'est moi qui ai ton coquillage. Mais je ne sais pas m'en servir. Seulement, pendant que j'ai le coquillage, toi, tu ne peux pas t'en servir. Alors, il faut que nous arrivions à nous entendre. Je te fais une proposition. Je te rends ton coquillage, mais à la seule condition que quand tu souffleras dans ton coquillage et que tu obtiendras ce que tu voudras, moi, j'aurai le double de ce que tu auras demandé. Le fermier, en colère, répliqua, « Jamais de la vie, ça c'est revenir en arrière, quand toi tu étais riche et que moi j'étais pauvre. »« Mais pas du tout, » répliqua l'usurier. « Tu auras tout ce que tu demanderas. Et qu'est-ce que ça peut te faire, puisque tu auras tout ce que tu demanderas, si je suis riche ou si je suis pauvre ?» Alors, finalement, le fermier dut être d'accord. Il reprit son coquillage, l'usurier rentra chez lui. Et cette année-là, c'était un été très sec, et tout ce que le fermier avait planté avait un aspect déplorable. Il se dit que sa moisson ne serait qu'une poignée de grains, et que si le coquillage le lui accordait, il demandait à avoir de l'eau pour arroser tout ce qu'il avait planté. Et tout d'un coup, il y eut un puits pour le fermier, et deux puits pour l'usurier. Le fermier put arroser sa moisson, qui devint magnifique. Mais le fermier réfléchissait. L'usurier a deux puits, et moi j'en ai qu'un. Que faire? Que faire? Tout d'un coup, il eut une idée, une merveilleuse idée. Il prit le coquillage, souffla dans le coquillage et dit « Ô rame, écoute-moi bien, fais-moi aveugle d'un œil. » Alors, il devint aveugle d'un œil, mais l'usurier devint aveugle de ses deux yeux. Et alors que l'usurier cherchait son chemin entre les deux puits, il tomba dans l'un d'eux et se noya. Ainsi, le fermier eut gain de cause, mais en perdant un de ses deux yeux. Ainsi se termine le conte de l'usurier et du fermier.